Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci pour cette introduction qui effectivement a le mérite de poser des questions essentielles et qui sont aussi des questions de contexte très actuel, comme vous le disiez dans votre conclusion. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une époque où peut-être plus qu'à d'autres, le service public est réinterrogé et il se trouve aussi un peu face à ses responsabilités, dans le sens où effectivement il a cette responsabilité de se transformer, de continuer à rendre un service à des usagers qui, eux, ont des attentes qui évoluent. Et c'est par là que je voudrais commencer mon propos, dire que aujourd'hui, les attentes du public, ou en tout cas la manière dont les attentes du public peuvent transformer la façon dont le service public est rendu, est très fortement liée aussi à ce que les usagers connaissent dans leur vie quotidienne. Et leur vie quotidienne est une vie qui est marquée notamment par l'ensemble des services dont ils peuvent bénéficier et l'ensemble des activités aussi qui leur sont proposées dans une société qui est maintenant digitalisée, qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus aussi marquée par une forme de nomadisme liée à des usages différents, aussi à des modalités de travail qui sont différentes. Et ça, nécessairement, ça a des impacts sur le service public, puisque ça en transforme les attentes, encore une fois. C'est-à-dire qu'il est attendu aujourd'hui des différents services publics davantage de simplicité, davantage d'immédiateté, davantage de transparence aussi, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, dans nos vies personnelles et individuelles, on a accès à tout un tas de services au bout du doigt. Donc il devient de plus en plus compliqué de justifier, ou en tout cas d'expliquer, qu'on a des services qui sont compliqués à rendre, qui nécessitent des procédures, qui nécessitent des délais, qui nécessitent des démarches, alors que parallèlement, on peut commander un article à l'autre bout de la planète et qui est dans votre boîte aux lettres en 48 heures. Donc ça, c'est un défi pour le service public dans lequel, effectivement, il ne doit pas non plus perdre son âme. Puisque cette symétrie des attentes, on peut penser qu'elle crée effectivement une symétrie des attentions, et qu'en miroir des évolutions sociétales et des évolutions de l'économie des services, on pourrait effectivement attendre la même chose et retrouver le même niveau d'efficacité, puisque le terme est revenu à la mode, pour le service public. Alors, ça intervient aussi un peu en contrepoint, en fait. Il y a cet effet miroir, mais il y a aussi l'effet contrepoint. Et l'effet contrepoint, c'est précisément une époque où les choses se dématérialisent de plus en plus, où il y a cet effet d'immédiateté, effectivement, qu'on connaît tous. Il y a aussi, paradoxalement une attente de proximité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, quand je dis que le service public ne doit pas perdre son âme, elle est aussi y compris là-dedans. C'est-à-dire que cette proximité, c'est aussi une façon de garder une forme d'universalité du service public. Contrairement à une démarche qui serait inspirée d'un monde commercial et économique, l'un des devoirs du service public, c'est de s'adresser à tous et à toutes. Et ça suppose effectivement, certes, de développer de nouveaux outils de communication, de nouveaux outils, de nouvelles manières de rendre le service, mais quand même d'avoir aussi cette accessibilité qui, en toutes circonstances, sur tous les points du territoire, permettent de rendre un service à tous les usagers, quelle que soit leur spécificité, je dirais. Et donc, on a... alors, c'est intéressant de voir que ça touche tous les versants de la fonction publique, hein, puisque... on pourrait penser qu'effectivement, du côté des collectivités territoriales, l'usager n'est jamais très loin. On est toujours à portée d'engueulade, comme disent nos élus. On voit aussi que du côté de la fonction publique de l'État, on a eu cette démarche de réinventer un peu la proximité des services publics en créant des maisons de services publics, des maisons France Service, disséminées sur le territoire, même de réouvrir certaines sous-préfectures qui sont aussi conçues comme des guichets de services publics à l'attention des acteurs locaux notamment. Donc voilà, on a cette tension entre effectivement une nécessité de s'adapter à l'ère du temps et faire en sorte que nos services publics soient plus immédiats, plus digitaux, plus dématérialisés, et en même temps garder cette proximité qui reste une attente de nos concitoyens. Les attentes, je dirais qu'elles sont aussi assez fortes en termes de valeur et en termes d'exemplarité. Et c'est là que la notion de transformation, elle est aussi interrogée, parce que c'est finalement la transition qui devient aussi un facteur de transformation. Et que là aussi, on a cet effet miroir où il est attendu du service public d'avoir effectivement une exemplarité dans la façon dont les politiques publiques sont conduites, et aussi une exemplarité, une cohérence entre les politiques publiques qui sont conduites, c'est-à-dire les lois, les règlements qui peuvent être adoptés, et aussi la façon de fonctionner du service public lui-même. Là encore, c'est peut-être une question d'air du temps, mais il est à l'heure où effectivement on parle de sobriété énergétique, on parle de sobriété foncière, les services publics sont aussi regardés désormais sous cet angle-là. Et ils sont regardés par le public, ils sont regardés aussi par leur public, les personnels du service public étant un public particulier, qui est là aussi pour finalement rappeler ses attentes au cadre dirigeant de la fonction publique. Donc, quand on parle de sens, quand on parle de valeurs, on reste sur les valeurs essentielles du service public qu'on connaît tous, hein, la dignité, l'impartialité, l'intégrité, les exigences aussi liées au principe de laïcité. Mais de plus en plus, il y a ce devoir, de cohérence ou d'exemplarité, qui fait que aujourd'hui, il n'est plus accepté, ou en tout cas, il est de plus en plus difficilement acceptable qu'on ait une conduite qui ne soit pas en rapport avec ce qu'on peut proposer ou parfois même exiger de la part des citoyens. Je prendrai quelques exemples sur quand on a dû faire face à des difficultés sur l'approvisionnement en énergie sur l'ensemble du continent européen, il a fallu effectivement que les administrations s'adaptent à ça. Et il était effectivement, ça faisait partie de cette cohérence nationale de se dire on est dans un contexte économique qui est plus compliqué, on a une tension sur les marchés de l'énergie, on a une explosion des coûts, donc ça veut dire qu'on va aussi faire des efforts dans nos administrations. Bon, il y a des ministres qui sont allés jusqu'à mettre un col roulé, mais on a aussi baissé les températures dans les bureaux, et somme toute, on a vu que ces mesures-là, qui ne sont forcément pas des mesures populaires, ont malgré tout été acceptées, ce qui prouve qu'effectivement il y a cette exigence, encore une fois cette tension en continu d'être en cohérence avec ce qu'on demande, ce que le contexte national et là international demande, et la façon dont on se comporte dans une administration. J'ai envie de revenir suite à vos propos, madame, sur les questions d'évaluation et de notation qui effectivement ont occupé une partie de vos travaux. C'était intéressant pour moi de les découvrir et puis de les partager un peu ce matin, pour voir aussi là en termes d'attente du public, alors là plutôt public conçu comme agent de la fonction publique, dans ce qu'ils attendent de nous comme employeurs. Dans ce qu'ils attendent que nous, comme employeurs, on voit que finalement l'évolution de ces méthodes d'évaluation et de notation dans l'administration traduit aussi un certain nombre d'évolutions fondamentales de la fonction publique et aussi de la société, et nous réinterroge aussi sur la façon dont on peut finalement aujourd'hui attirer et fidéliser dans la fonction publique, ce qui reste quand même un enjeu fondamental pour nous. Et là aussi, on voit cette tension à l'œuvre entre un service public qui garde quand même une forme de tradition, effectivement, et des pratiques qui restent quand même assez hiérarchiques et verticales. Et aujourd'hui, même si on parle d'évolution, même si on est en constante réflexion là-dessus, on ne sort pas de ce modèle-là. On reste encore aujourd'hui sur ce modèle très vertical et hiérarchique. Et pour autant, on voit bien que ça peut entrer en contradiction avec ce qu'attendent aujourd'hui les publics. Encore une fois, quand je dis public, c'est nos potentiels futurs candidats et candidates. Parce qu'aujourd'hui, on a cette volonté d'indépendance, on fait face effectivement à des comportements de plus en plus individualistes, ou en tout cas, alors, ça peut paraître réducteur de le dire comme ça, mais en tout cas des attentes individualisées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'individualisme, puisque ce qui nous est demandé aujourd'hui de la part de nos agents, c'est d'avoir une attention particulière, une considération particulière pour leurs propres caractéristiques, pour leurs attentes spécifiques. Et il nous revient à nous, employeurs, d'essayer de les satisfaire sans pour autant compromettre l'exécution du service public. Aujourd'hui, à une époque où il est demandé à chacun d'être un peu entrepreneur de soi-même, est-ce que finalement cette tendance-là, elle est compatible avec le statut de fonctionnaire? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction dans les termes qui est compliqué à résoudre. On nous demande effectivement de s'inspirer de méthodes que certaines entreprises, et pas que des entreprises, d'ailleurs certaines administrations aussi dans d'autres pays ont pu tester, ont pu expérimenter. Tout ce mouvement autour de l'entreprise libérée, cette idée effectivement de libérer les énergies, d'aller chercher au plus près du terrain des idées chez nos agents qui pourraient nous aider à mieux fonctionner, qui pourraient aussi permettre de fournir au public un service public qui serait augmenté. Alors ça impose de transformer certaines méthodes. Et encore une fois, moi je pense que ce n'est pas incompatible avec notre service public. Et quand on parle de transformer les méthodes, on a... Alors ça a été redit il y a quelques semaines, moi j'ai été assez marqué par ça, un discours du président de la République qu'il a tenu devant les cadres dirigeants de l'État. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ce discours, il est très instructif. Voilà. Je pense qu'il était préférable de l'écouter devant sa télévision que d'être dans la salle, parce qu'il était par moments un peu sévère envers le public, mais moi j'en ai retenu quand même quelques éléments, et dans ces éléments-là, il y avait... Ça reposait en fait en trois axes sur ce qui était demandé au cadre dirigeant de l'État et donc ça veut dire aussi à l'ensemble de la fonction publique, la nécessité d'associer davantage. Et associer, c'est évidemment associer les usagers, mais associer aussi nos fonctionnaires, nos agents à l'évolution du service public. Une nécessité de déconcentrer, alors là c'est plus spécifique de la fonction publique de l'État, et le dernier, c'était de simplifier. Et en fait, parmi ces trois attentes-là, moi je pense qu'effectivement, c'est ces trois dimensions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et ces trois dimensions qui nous invitent à peut-être repenser la façon dont on fonctionne et la façon dont on fonctionne avec nos agents. Je vous donne quelques exemples sur la façon dont nous, à Bordeaux Métropole et à la ville de Bordeaux, puisque en fait, je suis un DGA mutualisé. La fonction RH est mutualisée entre la ville de Bordeaux et la métropole, ce qui fait à peu près 10 000 agents en tout. Et on a tenté certaines méthodes qui vont directement chercher auprès des usagers leurs attentes, leurs envies et leurs besoins. On a par exemple tenté une expérience de hackathon sur le sujet de recrutement. Bon, personne ne savait faire un hackathon dans notre administration, hein, moi le dernier. Donc on est allé chercher des gens qui savaient faire ça, et puis on s'est dit, mais le hackathon, c'est finalement une méthode de résolution de problèmes. Et si on essaye d'appliquer ça à un objet qui aujourd'hui est vécu comme un irritant dans notre service public, c'est-à-dire le recrutement, tension sur le recrutement, délai de recrutement, complexité du recrutement, etc., qu'est-ce que ça donne si on essaye de marier ces deux objets? Une méthode un peu originale qui est le hackathon, et puis cet objet vécu comme un irritant, vécu comme complexe. Qui est le sujet du recrutement. En montant cette. Alors, ça, c'était l'idée un peu simple. Et puis, quand on a creusé, quand on a essayé effectivement de la mettre en place, on s'est dit, mais si on veut réussir là-dedans, ça veut dire qu'il faut qu'on sollicite les usagers de ce service-là. Et ces usagers sont de trois ordres. On a les usagers professionnels RH du recrutement. Et finalement, la méthode qu'on avait jusqu'à maintenant d'essayer de résoudre les problèmes, c'était de se dire, bah, c'est les spécialistes du recrutement qui vont travailler sur le recrutement pour proposer des méthodes d'évolution, de simplification et de meilleure efficacité du service. Le deuxième ordre, c'était nos usagers, que sont les candidats et les candidates qui se présentent à nos procédures. Comment vivent-ils le processus de recrutement? Et que peuvent-ils nous dire sur la façon dont ça fonctionne et surtout sur la façon dont ça pourrait être amélioré? Et puis, le troisième ordre, c'était les directions opérationnelles, celles qui recrutent, qui sont à l'origine souvent des critiques sur le recrutement, qui sont partie prenante au processus de recrutement, puisque c'est elles qui sont à l'origine de la définition du besoin, et c'est elles qui choisissent, in fine, les candidats et les candidates qui seront retenus. Voilà, donc on a tenté cette expérience-là, qui était par petits groupes, de réunir ces trois expertises et d'essayer de formuler des propositions pour venir transformer, le service public. Je vais revenir sur la question de la prise en compte des attentes du public conçu comme effectivement nos agents actuels et futurs au sein du service public et où on voit que on a finalement quelque chose qui est une réinterprétation d'un des principes fondamentaux du service public. Vous les avez rappelés tout à l'heure, madame, le principe d'adaptabilité, le principe de mutabilité. Ce principe-là, il a d'abord été interprété comme la nécessité pour le service public de s'adapter aux besoins de la puissance publique. C'est la puissance publique qui définit comment elle souhaite faire évoluer le service public. Et c'est à l'origine du contrat social du statut de la fonction publique. Vous le rappeliez aussi, on est propriétaire de son grade mais pas de son emploi. Ça veut dire que demain, si la puissance publique décide que le besoin à satisfaire n'est plus celui que vous avez satisfait pendant les dix dernières années écoulées, eh bien, il est en droit de le faire. Et c'est vous, en tant que fonctionnaire, qui devez vous adapter à cette nouvelle donne. Ça, c'était le principe, on va dire, dans sa conception originale. On voit que petit à petit, on essaye d'adapter le service public aux besoins des usagers. Et là aussi, c'est une forme de transformation. C'est-à-dire que non seulement la puissance publique qui définit ce dont elle a besoin, elle est à l'écoute de ses usagers pour leur rendre un service public qui soit plus adapté. Et enfin, le troisième volet, mais c'est peut-être celui qui mérite d'être le plus développé, c'est comment on s'adapte aux besoins de nos agents. Et c'est là qu'on voit, en tant que DRH, on le voit très bien, ça je peux vous le dire, ça fait écho d'ailleurs avec cette tendance à l'individualisation dont on parlait tout à l'heure, où effectivement, aujourd'hui, en tant qu'employeur, on doit prendre en compte un certain nombre de phénomènes extra-professionnels, mais qui ont un impact sur la façon dont nos agents vivent leur travail, la qualité de vie au travail, et la qualité aussi des conditions de travail. Je prends quelques exemples sur, par exemple, la problématique des proches aidants. Voilà, dans une société qui vieillit comme la nôtre, on sait que cette question des proches aidants va prendre de plus en plus d'ampleur. On sait que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur le temps de travail et sur la charge mentale de certains de nos collaborateurs et certaines de nos collaboratrices en particulier, puisqu'aujourd'hui c'est essentiellement les femmes qui ont ce statut, hein, c'est pas tout à fait un statut, mais qui ont cette charge de proche aidante. On le voit aussi avec toutes les réflexions qui sont aujourd'hui en cours sur le sujet du congé menstruel. On n'a pas aujourd'hui de cadre législatif ou réglementaire qui permet de traiter ça. En cours de réflexion. Certaines collectivités ont déjà lancé des expérimentations, je pense à la métropole de Lyon, je pense au conseil départemental de la Gironde. Ça veut dire qu'on essaye en tant qu'employeur de se débrouiller avec tout ça et de laisser une certaine place à des préoccupations qui soient effectivement d'ordre sociétal, médical ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas des choses qui ont forcément une influence sur la disponibilité des agents sur la façon dont ils rendent le service public. C'est aussi toute l'ambiguïté du télétravail. Le télétravail a été instauré d'abord comme une modalité particulière d'exercice du travail. On voit que petit à petit, la façon dont c'est pris en charge par les agents et dont c'est considéré aussi par les encadrants, par les chefs de service, au sens juridique du terme, dans le droit public, fait qu'on peut parfois être en contradiction avec quelque chose qui est vécu, qui est une possibilité, mais qui est vécu de plus en plus comme un droit. Et on voit qu'il est compliqué aujourd'hui de revenir sur, par exemple, des modalités de télétravail ou sur des demandes d'augmentation du taux de télétravail de l'agent, à partir du moment où le poste est télétravaillable, on voit que le dialogue qui se fait entre le chef de service et son agent sur qu'est-ce qu'une nécessité de faire de service, à quel moment je peux exiger en tant que chef de service la présence physique d'un agent sur son poste de travail, mérite effectivement d'être pensé et réévalué. Et je terminerai enfin par un aspect sur la transformation de l'administration par, par l'intégration systématique du regard de l'usager dans la définition et dans la conduite du service public. Je prenais le cas, l'exemple un peu anecdotique du hackathon qu'on a pu faire sur le recrutement. On voit bien que désormais, dans la façon dont les projets sont conduits dans nos collectivités en particulier, il est désormais quasi impossible, et donc il devient systématique, d'avoir cette approche qui permette d'intégrer le regard de l'usager dans la façon qu'on a de travailler. C'est toutes les techniques de design thinking, les techniques aussi qu'on a de mettre en place dans les espaces publics des expérimentations et de proposer par exemple des projets d'espace public qui ne sont pas finalisés. C'est-à-dire qu'on propose un projet abouti à 80% et on se dit que les 20% qui restent, c'est finalement l'usager qui va nous dire comment ça se passe. Par exemple, on prend une pelouse sur un espace public. Au milieu de cette pelouse, tracer un endroit imperméabilisé avec une dalle en béton qui faciliterait un cheminement, on attend quelques mois pour voir comment les usagers s'en emparent et voir par où ils passent. Et c'est finalement sur le chemin qu'ils vont tracer qu'on va créer un aménagement plus confortable, plus sécurisé, mais qu'on va faire dans un deuxième temps, une fois que l'usager aura pu s'emparer de ce qu'on lui aura mis à disposition et qu'il nous aura montré le chemin au sens propre du terme. Voilà. Et moi, je terminerai par cet aspect-là pour l'aspect plus ressources humaines, en disant qu'effectivement, on a aussi besoin de repenser nos politiques RH, nos dispositifs RH, à la lumière de ce que nous en disent nos usagers. Et ça, c'est aussi une petite révolution dans nos équipes RH, parce qu'ils n'ont pas été habitués à faire comme ça. Et que là aussi, il y a un peu ce rapport de force qui s'installe, parfois, entre une DRH qui représente une autorité administrative, qui représente l'employeur, et qui, à un moment donné, est là pour définir des règles, faire appliquer des règles, et sanctionner le non-respect des règles. Et le cumul, finalement, de ces trois fonctions est peut-être compliqué à marier, et c'est là qu'effectivement, il y a sans doute de la place aussi pour nos agents, pour nos usagers internes, donc, pour redéfinir les services rendus. Et ça peut être aussi dans la façon dont on conçoit les espaces de travail. Par exemple. Dans les espaces de travail, aujourd'hui, il y a aussi, et ça je l'avoue très humblement, on ne sait pas encore bien le faire. Voilà. Je vois dans ma collectivité, on a un schéma directeur immobilier qui nous amène effectivement en cohérence avec nos objectifs de politique publique sur le territoire de la métropole, de sobriété foncière, de sobriété énergétique, à occuper des espaces plus denses. Et occuper des espaces plus denses, ça veut dire moins de mètres carrés par agent, théoriquement. Ça veut dire penser une occupation des locaux qui soit un peu différente, avec des modalités de type flex office, si les métiers s'y prêtent. Et en fait, on voit bien que ces dialogues, ils sont extrêmement compliqués à avoir et que les professionnels aujourd'hui de l'aménagement de l'immobilier et de nos collectivités n'ont pas forcément ces réflexes-là, et que nous non plus, en tant que RH, on n'a pas forcément tous les codes et tous les outils pour faire en sorte que ce dialogue se fasse bien, et qu'on dépasse parfois des postures qui sont de se dire « vous voulez nous mettre dans des espaces plus serrés, je vois clair dans vos intentions », et puis de l'autre, un aménageur qui pourrait avoir tendance à penser qu'il a face à lui un usager qui est trop exigeant, voire capricieux, et qu'il faut malgré tout conduire les projets. Quoi. Donc voilà, je terminerai sur cette incertitude et sur ce, Un de ces chantiers qui nous anime actuellement et qui montre bien que la place de l'usager dans nos services publics, y compris dans nos modes de fonctionnement interne, reste à préciser.